meurtre de sang-froid. Dieu n'en savent rien, pas plus que moi. Et puis l'argent passera dessus, et on oubliera. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. J'ai écouté, m'enlacer.